t'es donné pour moi. Mon âme aimée est tremblante, oh Jésus, s'élève à toi. Les parfaits bonheurs, les parfaits bonheurs, c'est un maître dans mon être, à tes pieds, Seigneur. Les parfaits bonheurs, à tes pieds, Seigneur. Mais voici pourtant, Père Fils, je ne garde rien pour moi. Sur l'autel des sacrifices, je me place par la foi. Les parfaits bonheurs, les parfaits bonheurs, ô agneau, c'est le maître dans mon être, à tes pieds, Seigneur. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre dans mon être à tes pieds, Seigneur. Je renonce pour jamais. Et le Saint-Esprit m'inonde de ta joie et de ta paix. Les parfaits bonheurs, parfait bonheur, les parfaits bonheurs, les parfaits bonheurs, pour toi Jésus, t'es le maître, dans mon être, à tes pieds, Seigneur. Et ma faiblesse, bien grande, ta force est plus grande encore. Ô Jésus, quelle mérande, fidèle jusqu'à la mort. Les parfaits c'est de mettre dans mon être à tes pieds, Seigneur. Les parfaits bonheurs, les parfaits bonheurs, c'est de mettre à tes pieds, Seigneur. bien, moi je t'aime, toi qui m'émalues. Alléluia! Les parfaits bonheurs, amen, amen. Les parfaits bonheurs, c'est de mettre ton manette à tes pieds, Seigneur. Parfaits bonheurs, les parfaits bonheurs, les parfaits bonheurs, où toi l'agneau Christ maître, demande être à tes pieds, Seigneur. Le parfait bonheur, les parfaits et louange à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à notre parent rédempteur. Gloire à Jésus-Christ le même. Le bon berger, le bon gardien. Notre bienfaiteur. Le bouclier qui sauve. Le chemin de la vie éternelle. La sécurité éternelle. Le roi de paix de nos cœurs. Le roi des saints et des chrétiens. Le roi du royaume éternel. Gloire à son Saint-Nom éternellement. Les cieux des cieux et sur la terre. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il est Dieu redoutable. Père Céleste. Dieu de sainteté. Nous t'adorons. Et nous te glorifions. Nous bénissons ton nom. Nous l'élevons volontairement. Nous reconnaissons qu'il est tout grand. Infiniment grand. Très souverain. Au-dessus de tout nom. De toute autorité. De tout pouvoir. De toute puissance. De toute domination. De tout royaume, de toute famille, de toute maladie, de tout démon, de tout esprit, qui est le plus grand, le plus sérieux. Nous t'adorons sincèrement, car tes merveilles sont innombrables, tes bienfaits sont innombrables, ton amour et ta bonté sont une réalité. Oui, Seigneur Dieu, nous reconnaissons que tu nous aimes, un amour irrévocable, un amour éternel, un amour rédempteur, un amour qui sauve et pardonne, un amour qui protège et guéris chaque maladie maintenant. Tout ce qu'il y a comme complot du diable contre l'église, contre les saints, nous détruisons encore ça. Tu nous as donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Par cette autorité basée sur ta parole, nous détruisons tout complot. Nous le déclarons anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que ta gloire se manifeste. Et que ton bras fort nous appuie. en tout lieu, à tout moment. Exhorte nos cœurs maintenant. Humile la foi de chacun. Réveille la foi de chacun. Détruis les incrédulités. Détruis toutes les hésitations. Donne à chacun de nous la ferme assurance. Et le courage pour témoigner. Pendant que ta main agit. Que chacun voit Dieu ensemble. Nous voyons tes miracles. Que nous voyons tes œuvres de puissance. Que nous voyons tes actions parmi nous. Que nous puissions en parler et témoigner. Au nom de Jésus-Christ, nous te confions ce moment et pour sa gloire éternelle. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Écrite dans sa sainte Bible, notre absolu. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Et nous prenons le verset 8 à 10. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu sait se connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Amen. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Et pour attendre des cieux son Fils, Amen. Qu'il a ressuscité des morts, Jésus, Amen. Qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Kino tojali lisusu na bosenga na kolobate. Zambi, bango penza basolola kapo na bisope lolenge na eyangeli tozwa kikati na bino. Pe lolenge losili bino kubongwa na epai na nzambe. Longwa na mibeko ete bosale la nzambe na bomo epe na sembo. Po ete bosaleli mwana na ye wita na likolo ye oyo asekwi. Meka tina bakufi, Yesu, oye, abiki sibiso, nankanda, ilingi kuya. Jean, chapitre 3. Nous prenons le verset 17 à 19. Jean, chapitre 3, 17 à 19. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Amen. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ete Nzambe atindi mwana na ye te kati na mokili ete asambisa mokili, kasi ete mokili ebika mpona ye. Oyo ajali kondima ye akosambisa mate. Oyo ajali kondima ye te asili kosambisa ma. Na ino po ete andimi kombo na mwana na likinda na Nzambe te. Kosambisa ma ejali boye ete. Moi osili koyingela kati na mokili. Nde bato baponi molili. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez s'asseoir dans la paix et dans l'amour de Dieu, dans la foi envers la Bible, dans la foi envers chaque parole de Dieu, dans la foi envers chaque vérité divine. La foi par elle, Dieu nous délivre. Dieu délivre par la foi, Dieu délivre celui qui croit. Non pas celui qui reste volontairement incrédule, mais celui qui choisit de toutes les choses de Dieu, tout est de la Bible, tout est de la de Dieu, tout est de l'évangile de Jésus-Christ, tout est des promesses de Dieu, tout est de la puissance de Dieu. C'est lui qui choisit les douter, Dieu ne les délivre pas. Mais Dieu délivre celui qui croit. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 là-bas, le verset 8 à 10, vous voyez la parole de vérité, comment le témoignage de la foi des Thessaloniciens s'est répandu merveilleusement tout autour, partant de l'évangile que Dieu a fait retentir par le canal de l'apôtre Paul, à partir de cette contrée appelée Thessalonique, à partir de la ville appelée Thessalonique, l'envoyé de Dieu a proclamé la parole, et la parole a retenti à partir de là jusque dans la Macédoine, et de la Macédoine s'est allée dans la Caille. L'évangile s'est diffusé. La parole s'est propagée. Le message de vérité s'est répandu. C'était l'entreprise de Dieu lui-même. Et la foi des premiers convertis de la population. Les croyants de Thessalonique étaient devenus une référence dans la région. Donc, la parole est partie de là. Il a atteint la Macédoine. Il a atteint la Caille. Et partout là-bas, l'on parlait de la conversion des Thessaloniciens. Ils ne s'étaient pas convertis à Paul. Ils ne s'étaient pas convertis au paulinisme. Ils ne s'étaient pas convertis au christianisme. Comme nous en avons parlé ici il n'y a pas longtemps. Mais les Thessaloniciens, ceux qui ont cru, ils s'étaient convertis à Dieu. Et ils ont abandonné les idoles. Ils ont abandonné tous les faux dieux. Ils ont abandonné les fausses croyances. Ils ont abandonné les débats stériles. Comme ces débats dont vous entendez parler maintenant, entretenu par les démons, l'esprit des ténèbres, Jésus ou rien, Branham ou rien, ça c'est les vents démoniaques. C'est un débat vide de contenu. Ce sont des stupidités, ça. Ne perdez pas votre temps, il y a les affaires du Père dans le monde. On ne doit pas nous dire si elle est dans les futurs. Nous avons les affaires du Père Céleste. On ne peut pas imaginer les disciples du commandement perdre leur temps précieux à débattre entre Paul ou rien et Jésus ou rien. Comme ça, ça c'est manqué à faire. Occupons-nous des affaires du Père Céleste. Comme Jésus avait dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires du Père Céleste? Les affaires du Père, c'est ce qui est écrit. L'on s'occupait de la parole. Pas de répondre aux cris, aux slogans des démons. Quand le vent est sorti, on doit s'en occuper. Occupons-nous de la parole. Comme Paul a dit à Timothée, je te conjure devant Dieu. Devant Jésus-Christ, tu dois juger les vivants et les morts. Et par la puissance de son avènement, c'est la parole. Nous avons des références ici dans la parole. Nous avons la parole écrite. Nous avons la parole parlée souverainement. Il y a pas de sujet au conseil de guerre parlé. Que de nous occuper de qui sera le prochain président de la République. Ou de répondre à la question, est-ce Paul ou rien? Vous êtes tellement déconnecté du royaume de Dieu. Que vous commencez à vous occuper de n'importe quoi. Hein? Et les choses essentielles et utiles, vous n'êtes même pas là. Toujours dans des distractions. Tout ceci montre que la vérité du Seigneur est proche. Abraham dit que Dieu plongera le monde dans une profonde distraction. Pendant que les gens vont se distraire, l'enlèvement de l'église aura lieu. Veillez. Comme on l'entendait hier. Veillons. Et résistons contre tout ennemi, contre tout péché, contre tout démon, contre même la mort prématurée. Nous sommes encouragés à veiller et résister. Le Seigneur a dit veiller et prier. L'ordre de la parole, c'est résister contre le diable. Ne pas lui donner accès. Vigilez, veillez. Il y a un démon appelé Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, comment nous devons résister. Oh. 1 Corinthiens 7, verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Moi aussi, ce que je vous prêche dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, hein, mais c'est pour vous porter à ce qui est bienveillant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Chers amis, vous ne voyez pas que ce débat stupide que les soi-disant croyants du message un groupe se positionne dans Jésus ou rien. Contre les groupes qui dit Branham ou rien. Quand on dit Jésus ou rien, donc on met Branham par rapport à leur camp adverse, on met Branham dans rien. Maintenant, pour ceux qui disent Branham ou rien, ils mettent Jésus dans rien. Voyez là où se mènent les gens. Et pourtant, il y a des promesses. Dans la parole de Dieu, qui concerne chaque service divin, chaque mission divine, et ce que la parole a prévu n'est jamais rien. Ce que la parole a prévu, c'est une valeur divine. Si Jésus est privé dans la parole, et que toute la Bible parle de lui, rend témoignage de lui, alors nous ne devons le mettre derrière. Et si le message de notre temps est prévu dans la parole, ce sont des promesses de Malachie. D'Apocalypse 3:20. De Marc 9:12. Malako, Livoa, Tukumi Balé. Je promets que je ne sors rien. Elle parle d'un prophète qui devait venir. Et ce n'est pas rien ça. C'est une valeur divine. C'est un contenu divin. Bon, il ne faut pas aller dans ces débats stériles. Les gens qui sont en train d'étaler leur folie. L'écriture doit s'accomplir. Leur folie sera rendue manifeste. Heureusement, Dieu est bon. Il nous en a prévenu. Cette vague des démons est en train de venir. On ne savait même pas que ça allait venir. On vous a lu l'écriture. Dans 2 Pierre 2. Ils susciteront des sectes pernicieuses. Bango, bakosala bitonga ya mayele mabe. Et renieront le maître qui les a rachetés. Et bakoboya nkolo asila kosikola bango. Quand quelqu'un vous dit Branham ou rien. Bango motarobi Branham pelo kote. Il renie Jésus. Yazale kuwanga na Yesu kuboya ye. Sans le dire, mais il renie Jésus. Ozanga koloba yango kaka. Il minimise Jésus. Yazale kokitisa kosola ye kote. Il ne tient pour rien. Yazale komona ye kola pamba. Alors, dans quel ciel il va aller? Malola ou wapi yako kenda? Il va vous raconter qu'il va aller dans le ciel. Akolo yako kenda ou na lola ou ya bana? Folie sur folie. Wana liboma yako na bouni liboma penda. Et la voix de la vérité sera calomniée. Benzela solo yako muna na famba. Est-ce que les gens du monde ne sont-ils pas en train de calomnier? Batra mokili, wa onba zali kolo galatina na ngoma bete. Ils disent même maintenant, mais les gens de Branham, c'est quoi finalement? Akolo yako batra na banam nini yako meli bango? Comment ils sont tombés trop bas comme ça? Mulenge nini ba kikiti na ciel na mokanda. Ils en parlent dans les médias. Bazali kolo yango na kuna wa même quelqu'un qui s'est dit prophète des nations, hein, il est allé mettre les appliquer les produits à base de rouquinone et tout ça. La teinture a changé jusqu'à devenir je ne sais pas quoi là. Hein? Et puis il commence à dire, voyez Branham, c'est un prophète très puissant qui n'est pas de ce niveau ici. Il a porté un message très puissant. Alors, quelqu'un que vous pouvez expliquer l'Apocalypse du chapitre 1. Et regardez le message qu'il a porté. Tellement il est d'un niveau extraordinaire. Il a évité tellement les gens. Si nous ne sommes prophètes par ministère. Mais nous ne sommes pas du niveau de ces branches. Parce que ce message est d'un niveau très élevé. Bon, un gaillard qui fait des histoires, non, il fait des choses comme ça. Et pendant ce temps, certains adeptes de Branham, soi-disant croyants de son message, Jésus ou rien. Mais tant Branham dans rien. Mais dénominationnel vous fait des leçons de morale. Et qui récupère un autre chantre qui a fait encore sa déclaration bêtise là. Il dit bon, vous avez un esprit d'égarement. Et puis il dit ça vraiment dans les médias. Il le cite, lui. Parce qu'il a un esprit d'égarement. Comment tu peux dire aimer Branham plus que Jésus? Et ça, c'est vraiment la chute totale. Les gens qui nous respectaient. Et quand nous parlons, ils n'avaient pas d'argument. Ça veut dire que les gens là, quoi le message? On va nommer les gens de la révélation. Quand tu te battre avec eux, il faut oyer de quoi tu parles. Sinon ils vont t'humilier. Ils ont une grande maîtrise de la vie. Les dénominationnels nous connaissaient comme ça. Et ils fouillaient de débattre avec nous. Ils doivent nous lire les versets. Tout ça à cause de faux frères. Ils ont pris la réputation des frères du message, mais ce sont des faux. Ils font tout pour discréditer le message. Et c'est le propre, la honte sur le message. Je vous dis que le message est tellement puissant. Jésus le fera échouer. Il produira l'enlèvement bientôt. Laissez mon cœur se moquer. Ils seront désillusionnés. Nous avons reçu un message qui est la lumière. Le diable fait tout pour jeter les ténèbres là-bas. Mais ça ne marchera jamais. Mes chers amis, la voix de la vérité est calomniée à cause de ces gens qui ne sont pas affermis en Jésus-Christ. Qui ne sont pas affermis dans les voies de Dieu. Qui ne sont pas affermis dans les vérités bibliques. Ils tâtonnent. Parce que Dieu nous garde sa victoire. Comme au temps de Paul, nous voulons que la parole de Dieu se propage. Et qu'il y ait de vrais convertis. Non pas au branamisme. Non pas au christianisme. Mais être convertis à Dieu. Et qu'il faut toute distraction. Vous pour l'enseigner au connaître. Pour la terre, ça nous ne faisons pas de distraction. Ne perdez pas vos minutes précieuses. Toutes les distractions télévisées. Les mises en scène. Les théâtres de Mouyombe. Et je ne sais pas quoi. Des sangs. Les théâtres de chez nous. Films d'action, films de karatéka, ce sont des distractions. C'est pas bien fait pour un chrétien. De gaspiller son temps précieux à regarder les distractions. À s'occuper des distractions. Rassurons le temps. Combattons le bon combat. Soyons veillants et prier. Résistons contre tout ennemi. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça. Voilà. Attachons-nous au Seigneur sans distraction. Ne permettez aucune distraction de vous posséder. De prendre sous sa domination. De prendre de votre précieux temps. De voler vos heures et vos minutes. Les minutes de prière, les soins de prière. Ne les cadonnez pas aux distractions. Rachetez votre temps pour le Dieu vivant. Tout ce que vous admirez, les vêtements, les idoles, mais les Thessaloniciens ont abandonné les idoles. Et je dis à chacun de vous d'abandonner les idoles. Toute idolâtrie, renonçons. Dieu est jaloux. Il veut tout votre temps. Occupez aux choses sérieuses. Aux choses importantes et capitales. Parce que tu le lui promets. Ça, tu peux le décider. Et Dieu t'appuiera. Il veut que tu vives dans la bienséance. Que tu t'attaches au Seigneur. Sans distraction. Même la mort prématurée. Ils sont distraits. Et l'amour vient comme un voleur. Parce qu'il manque la vigilance. Il ne veille pas. Et le voleur vient voler le reste des jours. Le reste des mois. Le reste des années. C'est ta vie terrestre. Sois veillant. Veille prière. Veille prière. Veille et prie. Résiste contre toutes les ennemis. Mais ce soir, il y a une pensée de méditation. C'est Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère annoncée. Malachi 4 a annoncé ça. Hein, déjà au verset 1, voici les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme de la paille. C'est vrai. Il y a un jour de colère qui est annoncé. Amos chapitre 5 l'a annoncé aussi. Les jours, je m'y sais car les jours de l'éternel arrivent. Et ça, il s'est parlé de la même manière. Les jours de l'éternel arrivent. Jour de colère. Mais cette colère qui vient, quel que soit le châtiment et la forme que ça prendra, il y a un remède. Il y a une échappatoire. Il y a une voie d'échappement. Il y a un moyen d'échapper à ça. Et c'est Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité. Paul l'a dit aux Thessaloniciens. Revenons là-bas, lisons ça. Oh, c'est juste une exhortation. Alors, il a dit, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 8 a dit, nous pouvons relire cela calmement encore. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu se fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Et kasi mikambo na pondima na bino epai na Nzambe esi koleka na bipai nyonso kino tozali lisusu na kosenga na koloba te olingana mpe kati na Nzambe eyebana na bisika biso nzambenazalibobelizambenapembeni te kasi Nzambe na mosika kaokolazingazinga na mpe mosika na yo lokola salela kondima na yo. Exploite ta foi. Salela yango malamu penza. Qu'elle se fasse connaître en tout lieu. Oui, bana na bisika biso. Même des lieux où tu n'as jamais foulé. Ata bisika otama kaka na ote. Où tu n'es jamais arrivé. Et aussi la façon il faut que l'on parle de ta foi. Le Seigneur va l'ouvrir à ti à kondima na yo. Que l'on connaisse ton Dieu. Que l'on sache que tu as un Dieu tout puissant. Tu as un Dieu vivant et vrai. Un véritable créateur. Oui, le Seigneur de l'univers. Zambi à Molongo. Le Seigneur du ciel et de la terre. Oh, à toi, à yo. Que ta foi soit connue en tout lieu. Est-ce possible? Pour ça, il faut t'ouvrir. Hein? Il faut pas fuir les requêtes. Il faut pas fuir les problèmes. Quelqu'un venait dire, oh non, la Bible a dit éviter des problèmes. La Bible a dit tout. Non, nous avons les armes offensives et défensives. Par armes offensives, que cherchez-vous? Nous allons utiliser les armes offensives. Donc, c'est ça, les armes offensives. Tu provoques des problèmes? Hein? Esprit de trouble, ou esprit de problème. Nous allons provoquer des problèmes, attaquer l'ennemi. Là où il t'a rien fait. Un démon est allé dans un frère. Démon qui lui a donné la gastrite. Et le frère lui trouve ça normal. Ne croyez avec pas ce qui s'est habitué. Quand un croyant passe par là, il le fait prendre conscience. Et Dieu veut ta bonne santé. Dieu ne se veut pas malade. Oh, merci frère. Je peux en guérir. Oui, amen. Tu comprends? Dites-moi, ce démon là t'a fait toi la quoi? Il a fait quoi à ce frère? Qui lui, il s'était habitué. Pour lui, c'est pas un problème. C'est parce que toi tu es incroyable. Et que tu passes par là. Et que le Seigneur t'a donné autorité. Sur tous les esprits. Sur toute maladie. Tu ne vas pas la laisser tranquille. Tu vas foudroyer là-bas. Des mensonges. Il va dire, mais j'étais fait quoi? C'est toi. Sors. Bima. Oh, laisse-moi dans ma maison. Dieu en est le propriétaire. La foi en est le maître des maisons. Moi, tu es l'esprit impur. Tu es condamné sans. Mais maintenant, je vais aller où? Dima. Je n'ai pas besoin de savoir où je vais aller. Dima, il panda. C'est la foi en action. C'est ce que Dieu veut voir parmi nous. Près de toi, partout où tu vas, ou même quand tu te contactes, propose les solutions de Christ. Propose les interventions de ta foi. Rassure les gens que notre Dieu s'appelle victoire. Rassure-les qu'il n'a jamais perdu bataille. Il est le tout-puissant conquérant. Et il nous a décrété plus que vainqueur. Rassure ça aux gens. Et Dieu appuiera ton témoignage. Sommes-nous de ceux qui disent amen? Que Dieu peut nous appuyer comme ça? Oui. Ne soyez pas peureux. Ni hésitant. Marchez d'impatience. Ceci. Car on raconte à notre sujet, verset 9, quel accès nous avons eu auprès de vous. Donc, les gens se sont ouverts pour se laisser accéder par le service divin, le ministère authentique, le ministère de la parole, la parole de vérité, que l'accès à eux pénètre les influences, les transforme même, ils se sont abandonnés comme ça. Ils se sont donnés au Seigneur. Et le ministère a eu accès à eux. Ils se sont laissés accéder. Ils ont donné accès complet au Saint-Esprit. Ils ont donné accès au Saint-Esprit. Pour qu'ils agissent dans leur vie. Sans barrière, sans obstacle. Toi aussi fais de même. quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes converti à Dieu, non pas à Paul, ni à Timothée. Mais ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Tout ce que vous faites passer avant Dieu, c'est votre idole. Tout ce que vous essayez d'interposer entre votre foi et Dieu, c'est votre idole. L'église locale comme leur idole. Leur père comme leur idole. D'autres prennent leur famille comme leur idole. D'autres prennent leurs frères comme leur idole. Abandonnez toute idole. Donnez toute gloire à Dieu d'abord. Ne prenez pas votre directeur, votre chef comme votre idole. Et que lui peut commencer à vous faire faire des choses Il n'est pas plus important que votre Dieu. Il ne soit pas plus important que votre foi en Dieu. Il ne soit pas plus important que le message de votre Dieu. Dieu vous a confié. Mettez Dieu au-dessus de tout. Dieu avant tout. Il est plus important que tout. Les Thessaloniciens ont abandonné les idoles pour servir qui ça? Le Dieu vivant et vrai. Parfois tu peux t'asseoir à l'église, tu commences à adorer le sommeil. La parole du Seigneur. Ça devient ton idole à l'église. Il est cajole et il est si pauvre. Nous devons veiller à écoutez. Okay. Il dit, et pour attendre des cieux son fils. Non seulement nous servons le Dieu vivant et vrai, mais nous attendons des cieux la venue de son fils. C'est une position biblique. Savoir attendre. Ne vous ennuyez pas d'attendre. C'est biblique d'attendre. Quand la Bible dit attendez, vous faites-les attendre. Oh non, peut-être nous sommes déconnectés. Il faut fabriquer quelque chose qu'on appelle la seconde venue. Attendez. La Bible dit attendez. Nous sommes dans cette position. Alors, n'écoutez pas les moqueries. Il ne viendra pas comme vous le pensez là. Il ne viendra comme la parole a prévu. Il sera là. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et pour attendre des cieux son fils. Qu'il a ressuscité des morts. Il s'appelle comment? Jésus. Et que fait-il? Pouvons-nous les lire ensemble? La fin de ce verset. Jésus qui fait quoi? Il nous délivre de la colère à venir. C'est lui qui le fait selon les Écritures. C'est celui-là même que nous attendons des cieux. C'est lui qui nous délivre. Les alliés allaient pour tango la vie sur dans chaque âge. Le message de chaque âge. Contient cette vérité. Nous allions solo la Jésus-Christ qui nous délivre. Les alliés sont allés pour tango la vie de la colère à venir. Nakanda et la colère. Personne ni l'autre ne le fait. Motomokota pour faire la vie sur Jésus-Christ qui nous délivre. Jésus-Christ de la colère à venir. Nakanda et la colère. Abale ça et dit amen. Mais là, un gros solo va vous faire bonjour. Jésus-Christ qui nous délivre. Jésus-Christ la colère à venir. C'est celui qui reviendra des cieux. Nous l'attendons. Il viendra certainement. Et c'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Amen. Amen. Je vais lire Frère Branham. Une citation. Citation. Vous aimez? Discernement, crois-tu cela? Crois-tu cela? Question. Le 16 juillet 1950. Paragraphe 13. Il dit ceci. Eh bien, vous n'allez pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Ne dites pas, je vais aller en enfer parce que je suis pécheur. Le stade des pécheurs est déjà dépassé. Dieu a déjà proclamer des dispositions. Il a communiqué les dispositions prises pour que tu n'ailles pas en enfer. Vous n'allez pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Mais vous allez en enfer parce que vous avez refusé d'accepter la voie qui éloigne de l'enfer. C'est la raison qui vous amènera en enfer. Si vous devez finir là-bas, retenez et sachez que ce sera de votre propre faute. C'est par votre agir et par votre attitude. C'est ce qui vous amènera finalement là-bas. Ce n'est pas juste parce que tu es la nature pécheresse. Une solution est déjà trouvée. Pour curer cette nature pécheresse. Pour remédier à cette condition de pécheresse. Jésus est descendu du ciel. Il quitta le trône de son Père. Il est descendu de sa gloire. Il a répandu son sang pour te sauver. C'est valable pour ton âme à tomber. Tu n'es pas obligé de demeurer pécheur. Au jour d'aujourd'hui, le changement de nature est possible. Un changement total de nature. C'est possible à tout moment pour celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu demeures pécheur, c'est de ta faute. Si tu continues à déplaire à Dieu, c'est ton mauvais cœur. Tu as rejeté la solution de Dieu. Vous allez en enfer parce que vous avez refusé d'accepter la voie qui éloigne de l'enfer. Il y a une échappatoire. Et c'est Christ. Voilà. Tu peux t'échapper. C'est la voix qui nous fait échapper à l'enfer. Ça s'appelle Christ Jésus. Il y a une échappatoire de votre maladie. De la mort rapide. De la tombe prématurée. C'est par Christ. La mort rapide. Mais où est-ce que tu as? Les songes sont allés à l'autre côté. On a découvert qu'on pouvait quand même l'aider, mais c'était une mort évitable. Mais il est quand même mort. La mort rapide. Il y a une échappatoire à ça. Le Christ de Jésus. La tombe prématurée. Et si il fallait que je programme, mais on s'est retrouvé dans la chambre froide, à la morgue. Programme est Kukunda. Manaka ko... Et on va te mettre dans une tombe avant son temps. Ke ko tona malita, li bosa tango la yo. C'est pas un jour prévu par Dieu. Les alliés m'occolonzama bongsa kite. Mais il y a moyen d'échapper à ça. Les alliés ne m'accroissent à ce c'est par Jésus-Christ. Les alliés là, Jésus-Christ. L'enfer lui-même. Lui fait le coup de l'enfer beaucoup. Dont les gens ont tellement peur. Le bateau va banga, ça y pour lequel ils se font vraiment des illusions. On a un mot à ma banze, on fait ma canisse bon. Christ est le moyen d'échappement. Il est la voix des délivrants. Contre l'enfer. La grande tribulation qui vient. Le jour de la colère à venir. C'est Jésus-Christ qui nous sanctifie. Ayez foi en lui. Ayez foi que c'est ça. Ayez foi qu'il le fait. Sachez qu'il le fait. Car l'Écriture ne parle jamais en vain. Et notre message parle de la même manière. Paul et Branham ici prêchent la parole. C'est Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Il nous délivre de la mort rapide. Il nous délivre de la maladie, toute maladie. Il nous délivre de la tombe prématurée. Il nous délivre de l'enfer à venir. De la prison des tourments. De l'enfer démoniaque dont on a cité hier. Il nous en délivre. Mais maintenant, vous avez péché au commencement. Christ est mort pour vos péchés. Par conséquent, il vous a sauvé quand il mourut. Il vous a sauvé. Et il vous a guéri quand il mourut. Car il avait pris votre place. C'est dit déjà fait. Tout cela est accompli. Il s'est écrit à Golgotha. En élevant les deux mains jour de jour de victoire. Il a élevé les deux mains jour de jour de victoire. Tout est accompli. Non, c'est accompli. Salut, ta protection, ta sécurité. Mais maintenant, tout ce qu'il vous faut faire, c'est accepter cela par la foi et vous le recevrez. C'est tout. Accepter cela par la foi et vous le recevrez. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, il n'y a rien de plus à faire. Car le prix de votre guérison a déjà été pris. Amen. Amen, c'est vrai. Le prix de votre guérison a déjà été pris. C'est pas la facture du pharmacien. C'est le sang de Jésus-Christ. Un prix complet et suffisant. J'aime ça tellement. Il n'y a rien de plus à faire. Car le prix de votre guérison a déjà été pris. Vous pouvez avoir cela juste cet après-midi. Vous pouvez avoir cela maintenant même. Guérison, salut de l'âme, délivrance totale, la paix du cœur, la joie du salut, tout ça, maintenant même. Acceptez ça par la foi. En 7 minutes même, vous croyez cela. Quand votre foi satisfait aux exigences de Dieu, croire que Christ est mort pour votre maladie, quand il mourut pour vos péchés, et il est mort pour vos péchés, au calvaire, et que vous acceptez cela sur cette base-là, à ce moment-là, vous êtes guéri au Dieu de Dieu. Dès ce moment-là où vous croyez, vous êtes déjà guéri aux yeux de Dieu. C'est ici que certaines personnes ont des troubles aux yeux de la guérison divine. Branham nous a dit que vous avez la guérison quand vous prenez Dieu au mot. Quand vous croyez en votre guérison que Dieu l'a fait, à cette instant-là, vous êtes guéri. Mais le problème de certains, c'est pourquoi les symptômes continuent. Pourquoi on voit encore tel signe? Pourquoi l'autre là est mort? S'il était guéri, mais où est-ce qu'il est écrit que quand on est guéri, on ne peut plus mourir? Est-ce que la guérison est synonyme d'immortalité? Mais ces illusions viennent d'où? La guérison, c'est la guérison. Et c'est Dieu qui nous la donne. L'immortalité, c'est autre chose. Le corps de mère mortelle. Il mourra de quelque chose. Peut-être que pas de votre maladie. Mais peut-être que des complications des médicaments que vous vivez. Mais Dieu lui vous a déjà guéri. Sur base de votre foi. Il a mis sa foi et sa guérison. Immédiatement. Le reste, c'est toute une chaîne. N'ayons pas de confusion dans notre tête. Commencez à faire des recoupements frauduleux comme les vous prenez ici, vous allez là-bas. Exactement comme on tire le courant chez le voisin. Mais il doit vous donner du courant à partir de son câble. Un câble qui trouve les murs de clôture, ça passe chez le voisin. Et raccordement, là, on appelle ça raccordement frauduleux. C'est comme ça aussi que les gens prennent les termes de la guérison divine avec les termes de la mort, ils commencent à réduire. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a appelé chaque chose par son nom. La guérison, c'est la guérison. La maladie, c'est la maladie. La voix des hommes, c'est la voix des hommes. L'immortalité, c'est autre chose. Ah oui. Yo. Ah oui. Tu peux guérir à l'instant. Et dès que tu sors dans la joie de ta guérison, tu piétines un câble électrique, tu calcines même. Celui qui te connaissait malade, quand il apprendra ta mort, avant d'avoir un détail, et il va lier ta mort à la maladie. Mais si on ne lui a pas précisé que tu étais déjà guéri, tu étais déplacé, il va immédiatement lier ta mort à ta maladie. Alors que dans le concret, tu es mort électrocuté. Tu es mort avec la maladie. Ça, c'est des choses que vous voyez qui frappent les yeux. Mais à l'intérieur de l'homme, c'est Dieu qui voit tout. C'est lui qui sait exactement qu'est-ce qui s'est passé pour que tel meure. L'homme peut philosopher, le médecin peut analyser. Mais certains n'est pas infaillible. Ils sont faillibles, ils peuvent se tromper. Mais c'est Dieu qui sait précisément ce qui se passe. Quelle est la cause réelle de tel mort. Êtes-vous là? Amen. Savez-vous que Jésus était baïonné, on l'a fait scientifiquement parlant, on dirait que c'est l'hémorragie qui l'a emporté, non? Divinement parlant, Jésus-Christ à la croix était-il mort d'ennemi? Le message nous dit c'est du chagrin. Bien que le corps était flagellé, blessé, saignant, abondamment et tout. Ce n'est pas l'ennemi qui l'a tué. Qui connaît les vraies raisons. Et s'il ne vous les révèle pas, vous ne ferez que spéculer et tâtonner. Vous pensez à ceci, vous pensez à cela. Mais c'est à côté. C'est lui qui maîtrise tout ce qui. Si nous pouvons nous attacher à lui. Comptez vraiment sur lui. Et considérez ce qui vient de lui comme étant meilleur que les hommes de la. Quand votre foi satisfait aux exigences de Dieu, voir que Christ est mort pour votre maladie, quand il mourut pour vos péchés, et il est mort pour vos péchés au calvaire, et que vous acceptez cela sur cette base-là, en ce moment-là, vous êtes guéri aux yeux de Dieu. Vous voyez, ensuite, mettez-vous à en témoigner. En le croyant. En gardant la foi. Commence déjà à témoigner favorablement de ça. Dieu appuiera ton témoignage. Comme il avait fait pour les Thessaloniciens. Et ta foi doit se faire connaître en tout lieu. Par ceux qui entendent tes témoignages. Alors, tes expériences. vous témoignez des choses que vous ne voyez pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous regardons à l'invisible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et nous là, nous regardons à l'invisible. Il est le seul Dieu vivant et vrai. Il est celui qui nous délivre de la colère à venir. Il nous délivre de la grande tribulation. Il nous délivre du jour de la colère de la colère. Il nous délivre de l'enfer démoniaque. Il nous délivre de la prison des tourments. Il nous délivre de toute maladie. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. À Golgotha. Lui Jésus-Christ. Lui seul est mort pour nous. Personne d'autre. Lui seul est mort pour nous. Et le châtiement qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est la victime expiatoire pour le péché du monde. Et comme on l'a lu dans Jean chapitre 3, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde. Mais il l'a envoyé dans quel but? Pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit en lui. N'est pas jugé. Mais c'est lui qui ne croit pas en lui. L'incrédule, le douteur, l'hésitant, le spéculant, l'hypocrite, un pied dans le monde, un pied dans l'église. L'incrédule, celui-là est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Quel est ce nom? L'église. Jésus-Christ, celui qui nous délivre de la colère à venir. Vous devez croire à ce nom-là. C'est ça le nom du Fils qui nous épargne du jugement colérique et furieux de Dieu. Nous délivre du jugement colérique de Dieu. C'est le nom du Fils de Dieu auquel chacun de nous est convié de croire. Parce que ne pas croire à ce nom veut dire être jugé. Vous êtes déjà jugé. Et comme disait Frère Branham, vous vous jugez et vous vous condamnez vous-même. C'est pas Dieu trop qui vous condamne. Vous-même, par votre incrédulité. Et vos actes d'incrédulité. Vous vous condamnez vous-même. Pas la faute de Dieu. Dieu vous a donné l'échappatoire. Dieu vous a donné la corde de délivrance. Dieu vous a tendu la main de miséricorde. Vous vous crachez dessus. Vous continuez à suivre la voie de l'incrédulité. Et le jugement, c'est quoi, comme a dit Jésus? Que la lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont rejeté la lumière et ont préféré à la place de la lumière divine. Ils ont préféré les ténèbres. Et pourquoi ça? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Or, les œuvres mauvaises auxquelles ils s'attachent, ce sont les œuvres et les actes d'incrédulité. Détachez-vous de ces choses. Rachetons le temps pour Jésus. Croyons au nom du Fils inexcusable. Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Si tu veux échapper pour ta part, ne compte sur aucune grammaire, sur aucune tante, sur aucun nom. Ni même pas ton père, ni ta mère, chacun de vous doit se battre pour toi. Si tu veux échapper à la colère de Dieu, au jugement furieux de Dieu, croyez au nom du Fils de Dieu. Croyez au nom de Jésus-Christ. Rachetons le temps pour ça. Donnons-lui toutes nos vies. Consacrons-lui notre temps. Pour le bout église, que Dieu vous bénisse. Donne nous des bons maintenant pour la prière. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. C'est le cantique Hosanna numéro 169. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorant avec toi les sauveurs, nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant est en tes saintes lieux, gloire à Dieu. Et ces chants prétendent entre lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, que ces chants prétendent entre lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ces chants prétendent entre lieux. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son fils aîné, et la terre et les cieux en séjour. Pour chanter ces cantiques, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, oh. Que ces chants retentissent en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ces chants retentissent en tout lieu. Tapez les mains. Les châtiments qui font de la paix, Jésus-Christ l'a servi pour mon âme. Oh. Il voulait expier nos forfaits. Amour en lui, c'est les bois et pop. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant est en tes santos lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ce chant est en tes santos. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant est en tes santos lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant est en tes santos lieux. Chacun de nous dispose. Que chacun de nous dise. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, descend. Oh oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ces chants retentissent en ton lieu, gloire à Dieu. Les chants récompensés en ton Dieu. Prions chacun maintenant. Notre sœur Jeanne Ilunga avait sollicité qu'au cours de prière de ce soir, nous pensions aussi à elle. Elle s'est retrouvée à l'hôpital aussi pour consultation à cause de quelques soucis de santé. Et Dieu lui fasse grâce. Or, Dieu était loin si grand qu'elle en reprenne. Mais peuple est dit où il va plus loin. Qu'elle a plus haute étoile et la terre. Les bas enfers, oh coupable, oh coupable. Chantons les pardons, en un Dieu donnant son Fils, Jésus-Christ. Vaincre et le réconcilia, son Fils seront. Amen, lui pardonna son péché, la mort est Dieu. Ils ont bien réchappé, il est sans maître, et pas, il demeurera éternellement le chant de saint des anges, Dieu parfait et véritable. Que ton nom soit béni éternellement. Que ton règne vienne au milieu de nous. Ta domination et ta victoire. Ton salut et ta joie. Ta délivrance et ton secours. Ta guérison. La bonne santé que tu as garantie à tes fidèles. Toutes les bénédictions rédemptrices. Manifeste-le au milieu de nous. Nous voulons en être abreuvés. Puisez indéfiniment. Jusqu'à pleine satisfaction. Élevez, honore notre Seigneur. Brise toute incrédulité. Brise les doutes. Détruis les hypocrisies. Que notre foi produisent les actes de la foi. Les actes d'obéissance à la vérité. Qui honore ce message. Qui ne déshonore pas ta parole. Aie pitié de tous ces égards. Ils sont en train de jeter le discrédit. En entendant des débats stupides et des slogans insensés. Nous avons besoin de la parole originale. De la puissance des saluts. Du rétablissement de notre église. Ton église à toi. Rétablis-la dans la bonne position. Comme prévu, Seigneur. Nous sommes reconnaissants d'avoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous attendons des cieux, lui qui nous délivre de la colère à venir. Entretiens cette méditation dans le cœur de chaque fidèle, de chaque croyant, que notre foi soit stimulée et encouragée à combattre jusqu'au bout, à résister contre l'ennemi, à demeurer vigilant partout. Laisse que notre foi se fasse connaître partout par le témoignage par la persévérance, par la sincérité, par l'amour fraternel, par l'attachement à la vérité. Père, que nous ayons des exploits de la foi. Chacun pour sa part, dans nos familles, autour de nous et très loin de nous. Souviens-toi de notre sœur Jeanne Ilunga, qui a adressé cette requête de prière. Restaure pleinement sa santé. Tes soucis, les dérangements, soient évacués. Manifeste la guérison divine. Apporte-lui la guérison divine. Apporte-la aussi à ceux qui n'ont pas pu le lire, qui n'ont pas écrit une note, qui n'ont pas envoyé un mot. Pour que chaque croyant en bénéficie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité est véritable. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Beaucoup que Dieu vous bénisse.